طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لتمام فائدة تدريس الكتاب سنلخص مراجعة في هذه الأيام إن شاء الله حتى نثبت المعلومات في أسناننا، ثم سننتقل إلى كتاب آخر. Donc on va commencer inchallah une révision résumée, récapitulative du kitab, des gros points, étalés sur ces quelques jours. Histoire d'être bien préparé à ce qui viendra après comme kitab, inchallah. Donc le kitab, on est commencé par quoi? Par Ism al-Ishara. طيب اسم الإشارة. دوك الاسم إشارة للقريب المذكر المفرد سكوا هذا ثم مؤنث سكوا هذه. طيب اسم إشارة للبعيد المذكر المفرد ذلك ثم مؤنث سكوا تلك. في كوال الجم دي اسم إشارة الجم القريب لا هؤلاء نو نديك اللي مطلق لميكس. طيب البعيد سكوا أولئك المثنى سكوا الاسم إشارة المثنى المذكر مثنى مذكر لبخ ونا بابري اللي بعيد وقريب ونا بري دو مذكر مؤنث هذاني والمؤنث هاتاني نعم. طيب هذا في كونسيرن اسماء اشاره هذا هذه ذاك او ذلك وتلك وهذاني واتاني وهؤلاء واولئك نعم. ثم on a pris quoi? On a pris des اسماء استفهام des noms interrogatifs pronoms interrogatifs. On a pris ma. Ma, c'est pourquoi ma? Pour pour interroger, c'est une chose qui n'a pas de raison. Un objet, un animal ou autre. On a appris également man. Man, man, hada. Man, c'est quoi? L'aqil. Pour interroger au sujet d'une personne. Qui est cette personne? Akhazmaïdon. أين؟ أين لإيش؟ المكان. المكان. نعم تكون فلان اسم استفهام للمكان. مثلا تقول أين فلان؟ هو أنتل. عرفنا أيضا متى؟ متى؟ للزمن. نعم. مثلا متى الصلاة؟ كان إلى صلاة. طيب متى؟ في كان. صدقني بعكم. عرفنا أيضا أي. أي. لا لا لا ça c'est pas l'istifham. Non, نريد الاسم نريد اسم الاستفهام اي فلان oui lequel lequel اي شيء. Ouais, on a dit que le os c'est qu'il est il vient tout le temps en moudaf et il vient derrière lui le moudaf. فلان ايكم فعل كذا lequel entre vous a fait telle chose ايكم فلان Mohamed, lequel entre vous est Mohamed. On a pris quoi encore? Mohamedin. La ayyukum Mohamedun. Vous voyez? On avait pris encore quoi comme ism istifham? Kam. Kulna lil adad. Pour dénombrer quelque chose. Et se traduirait par? Combien? Combien, et on a dit que la base c'est que son dénombré c'est un tamiz. Comme ça viendra plus tard. Ça je dis kam kita aben mek. Combien de livres as-tu? Voyez? Naam. Ahsant. J'ai oublié celui-là. On a vu Hamza tout l'istifham. C'est un harf, c'est pas un if. Tous les autres noms, tout ce qu'on a pris avant, c'est des asma. Voyez? Hamza tout l'istifham, ça c'est un harf. Harf tout l'istifham. Voyez? Naam. Naam. Il inclut une réponse avec une négation d'information. أنت كذا، نعم أنا كذا، أو لا لست بكذا. طيب il n'y en avait pas d'autre, c'est une sifem, c'est tout cela qu'on a pris. Là, ça ne rentre pas dans le sifem. Il n'y en a pas d'autre dans le kitab. Non. Toyeb. Summa, akhavna baben muhimman kazalik, un autre chapitre important. Wa huwa ma'adha, huwa l'nakira wa l'ma'alifa. Et le ma'alifa, on avait dit, c'est chose définie. Vous voyez ? Et nakira, c'est le contraire, chose indéfinie. Wa min aramat el ma'alifa. Alif wal lam. Naam, qui rentre alif wal lam. Et masra. Là. Allez, tout sur masra. Il n'y a pas de tanouin. Il peut être ma'alifa, être majrour, il peut être marfour. Tu veux dire que c'est dans masra, c'est marfour ? Naam. Okay. Vous voyez ? Donc on a dit que le ma'alifa, c'est ce qui est défini. Et parmi ces marques, il prend alif wal lam et il prend plus de tanouin. Et nakira, il prend pas d'alif wal lam et il y a un tanouin. Mathalan, on dit baytun. Là, baytun, c'est une maison. Il est nakira. Vous voyez, il n'y a pas d'alif wal lam et il y a un tanouin à la fin. Il n'est pas défini. Ça peut être n'importe quelle maison. Et le ma'alifa, ça va être al-baytu. Vous voyez, là, on a mis alif wal lam, c'est la maison. Donc là, on sait qu'on parle d'une maison particulière. Vous voyez. Et le ma'alifa, il y a d'autres choses qui sont ma'alifa qui n'ont pas d'alif wal lam, comme les asma al-alam, les noms propres. Dans celle de Mohammed, son apparence, il n'a pas d'alif wal lam, mais il a tanouin à la fin. Mais pourtant, Mohammed, c'est un nom propre. Donc il est ma'alifa. Vous voyez, ça inclut le ma'alifa. Et d'autres choses sont ma'alifa, ça viendra. Il y a différents aqsam. Là, on a pris la base. Donc on avait dit, nam, ma'alifa bi alif wal lam, ou bidoun tanouin, sans tanouin, et nakira. طيب بدون الف واللام مع تنوين التنوين الف واللام tu les verras jamais ensemble. طيب tu les verras jamais ensemble. ياي يا ولد تعال تعال تعالوا هنا ايوه تعالوا هنا Non. Donc de là, à partir du moment où on a pris le ma'alifa en akira, on est dans un beb, un chapitre primordial dans la langue arabe qui est beb al-mubtada'i wal-khabari. Voyez. Et ils font partie des piliers des phrases. Voyez. Et de là, on a pris une al-jumla al-mufida, une phrase qui a un sens. Voyez. Et parmi ces min anwa' al-jumla al-mufida, parmi les genres de jumla al-mufida, il y a al-jumla al-ismiya. Voyez, la jumla, la phrase nominale, celle qui commence par un nom. Parce qu'on a dit que les jumla sont de al-qismayn, elles sont de deux catégories, jumla ismiya ou jumla fi'liya. La jumla ismiya, c'est celle qui débute par un nom. Mathalan, Muhammadun qa'imun. Mohammed est debout. Et jumla fi'liya, c'est celle qui commence par un fi'al. C'est-à-dire un verbe. Mathalan, Zahaba Muhammadun ila al-masjid. Donc là, Zahaba, wa alaykoum salam. Zahaba, c'est un eh. Ta'al, ta'al, ta'al. La tabchi bin al-wahida. Aya. Ta'al unak. Ta'al unak. Yazef il n'al-fani. Eh. Fani, yazef. Yakhli'a fani. نعم هنا هنا في هنا في عندك هذا ما شاء الله تكون عليه فدوس ذكرى انا كنت ارجع له هناك انا يا الثاني ذكرى لا هنا يب نعم المثال كنا ذهب محمد الى المسجد طيب ça c'est une jumla fi'liya qui commence par un verbe. Donc là maintenant nous, ce qui nous intéresse c'est la jumla ismiya. Jumla ismiya, elle est composée de deux choses, un mubtada et un khabar. C'est eux les deux piliers de la phrase. Vous voyez, المبتدا سي لا باز هو الاسم الذي يبتدا به الكلام والجمله سي لو سي لو نون كي اون ديبي دو فراز مي اون ا فيو كي بوفيت اريفي ان فان دو فراز مي لو اوريجين سي كي اون ديبي دو فراز voyez et parmi ces alamat ces signes pour qu'on le reconnaisse c'est que awalan wa ism c'est un ism c'est jamais un harf ni un fi'l c'est un ism ثانيًا ومرفوع فجاء مرفوع كلين دمه طيب وثالثا كلا معرفه في الغالب طيب la plupart du temps il est ma'rifa donc si tu trouves un mubtada tu es obligé de chercher un khabar le mubtada il vient jamais tout seul il a forcément un khabar une chose qui le complète qui informe sur lui مثلا كما قلنا محمد قائم طيب محمدون سي محمد قائمون اي دبو محمد اي دبو دونك لا محمدون يبقى كوا مبتدا طيب قائمون سي الخبر il informe de la situation de محمد كيف هي محمد il est debout donc قائمون سي الخبر et le khabar on a dit quoi il est différentes catégories parmi celles qu'on a pris on a pris le khabar le mufrad celui qui a un nom tout seul طيب et on a dit c'est quoi ces signes qu'il est le ghalib wa nakira wa huwa marfou' kadhalik wa yatibad al mubtada fi al asl tayyib ha nam wa nam wa yadba al mubtada fi tafkiri wa ta'lifihi wa nam le surgent non par exemple tu dis mohammedun qaimun la mohammed il est mufrad muzakkar donc qaimun mufrad muzakkar tu dis fatimatu tu vas pas dire qaimun tu dis qaimatun il va être moins neuf comme lui. Et si tu dis un rijalu, là c'est un jam, tu vas dire qa'imun. Là le khabar il va être muzakkar et jam, kazalik, il le suit. Non. Et le khabar, on a pris deux genres. Il y en a trois. Ça y est, il y en a trois. On a pris le khabar mufrad, c'est celui-là, celui où le khabar c'est un nom tout seul. Mohammedun qa'imun. Ça y est. On a pris également le khabar shibh al-jumla, celui qui ressemble à une phrase. C'est avec un jar ou majhour. مثلا محمدون في البيت. طيب الخبر اللي هو في البيت. نعم. Il y en a d'autres. Il y a aussi khabar jumla ismiya, ou il y a khabar jumla fi'liya et on arrive après inchallah. Et on a dit que parfois il se pouvait que comme on a dit que le khabar soit retardé et mubtada soit avancé. مثلا حكي مثلا انت donne un exemple. اين محمد؟ اين محمد؟ ما هو السبب؟ c'est quoi la cause que اين c'est pas mubtada et محمد c'est pas un khabar. C'est quoi la cause qui fait qu'on on peut pas dire que اين c'est mubtada et محمد c'est le khabar. Qu'est-ce qui empêche qu'on dise ça? C'est comment on reconnaît le mubtada les signes qui montrent le mubtada et les. Mais c'est quoi que ta preuve que Eina c'est pas un mubtada? C'est pas un ism. Ah bon? Ism stifham? Ism? Illa. On a dit que Asma al-stifham kulluha nakira. Pronoms interrogatifs sont tous nakira. Taïeb. Eina, mata, man, ma. Taïeb. Et le khabar ne peut pas être la. Ne peut pas être plus défini que le Mubtada. Et là, Mohamed, c'est un mot propre, masculin. Mohamedoun, il est ma'alifa. Il est ma'alifa. Et Aïna, il est nakira. Donc, si tu as un ma'alifa nakira, c'est forcément le Mubtada qui est ma'alifa. Vous voyez ? Et je laisse. Donc là, Aïna, ça va être un khabar muqaddam. Vous voyez ? C'est un khabar qui est avancé. Et Mohamedoun, c'est un Mubtada mu'akhar. طيب المبتدا كي تي اوكي روتاردي نعم فهذا ما يتعلق بالمبتدا والخبر on a pris également bon qulub shamsiya wa qamariya ça c'est bon c'est connu la peine de s'attarder dessus طيب on a pris les حرف جار. طيب حرف جار on dit que des particules. طيب c'est pas des asma, c'est des particules comme ils traduisent, mais nous on va dire harf, c'est des حروف. وتدخل الاسماء elle rentre sur les noms. طيب والاسم الذي ياتي بعد حرف جار مجرور. Le nom qui vient après harf jar il est majrour. Ça veut dire quoi majrour? Que son il prend kasra à la fin. طيب et min حروف جار اخذنا ماذا? Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris fi qui veut dire dans. نعم مثلا dedans dans. الكتاب في المكتب. Le livre est dans le bureau. On a pris ala. Ala ça veut dire نعم sur. الكتابو على المكتب. طيب le kitab est sur la table ou sur le bureau. On a pris il est. طيب on a pris il est, c'est-à-dire vers. طيب vers. Cependant on a dit que il est souvent on voit souvent venir après ذهب. Le fi'l ذهب. Ça veut dire ذهب محمد الى المسجد. Mohamed est parti à la mosquée. Donc il est, c'est un terme de destination. Voyez, on pourrait traduire par A, vers, O, tu vois. Zahaba el souk, il est parti au marché. Voyez, ou Zahaba el Moudir, il est parti chez le Moudir. Zahaba el Mosjid, il est parti à la mosquée, ainsi de suite. Nam. On a pris aussi Min. Voyez, et Min, son sens, c'est le contraire de il est. Lui, à l'origine, hein, il définit quoi? Un début, c'est vrai, de la provenance. Le début de la chose. La fin, t'as cool. Ana min salam faramsa. Je suis de France. C'est-à-dire, je suis venu de France. Vous voyez, je suis venu de France. Et les chorofuja, comme on l'a dit, elles ont plein de sens. C'est plus large que ça. Là, c'est les sens. Ça, c'est les sens d'origine, la base. Sinon, t'en as d'autres. On a pris aussi comme chorofuja, on a pris bi. Vous voyez, bi. Et bi, l'origine de son sens, ça veut dire par. Mais nous, eux, ils l'ont mis quoi dans le sens dans ou à. Je ne sais plus l'exemple qu'ils avaient mis, mais ça revenait à, par exemple, Darul Hadithi Bidammaj. Là, on a dit bi. Voyez. Et là, bi, ça veut dire quoi? A. Ça veut dire le centre du hadith, Adammaj. Ou dans Dammaj. Mais l'origine, c'est bi, ça veut dire par. Donc, salam, t'as cool. Kataptu, j'ai écrit. Bil Kolem, j'écris avec le stylo, ou par le stylo. Ça, c'est le sens d'origine de bi. Voyez. Ou takul, Jitu, il est Yémen, Bil Ta'ira, je suis venu par l'avion. Ainsi de suite. On en a pris d'autres des Khurujar. Il y en a deux. Hein? Tahda, ça c'est Azar. C'est pas Khurujar. C'est Azar. On n'a pas pris An. On a pris que cela, Adam. Fi, ala, min, ila. Bi aussi, qui est venu. On a pris que cela, dans le kitab. Tandam. Donc, on a pris quoi? Donc, avec le harf jar, on a pu connaître une deuxième catégorie de statut grammatical sur les noms. On a pris le marfou, dans le tabla khabar. Celui qui quoi? Qui a une dhamma à la fin. Là maintenant que le huruf jar, on a appris le majrour, c'est celui qui a une kasra à la fin. Vous voyez? Et le majrour, il n'est pas forcément le résultat d'un huruf jar, il peut venir d'autre chose. Comme ça, on va prendre maintenant le mudaf, mudaf ilay. Ce qu'eux disent par annexe. Le fait d'attribuer une chose à une autre, d'appartenance. Mathalem, Rasulullahi. Vous voyez? Là, Rasul, c'est le mudaf. Allahi lafz jalala, c'est le mudaf ilayhi. C'est-à-dire que là, on a dit quoi? On a attribué le messager à Allah, c'est le messager d'Allah. Et parmi les signes du mudaf, qu'il vient sans alif wallam et la patanouin. Comme on a dit, Rasoulou. Et il vient derrière lui un ism majrour. Rasoulullahi. Si on voit ces deux, on voit cet assemblage, un nom qui n'a pas de patanouin et qui n'a pas d'alif wallam, suivi d'un nom majrour. C'est qu'on a mudaf mudaf ilayhi. Mathalan, sayyaratu al-mudiri, la voiture du directeur. Tayyib. Baytullahi, tayyib, la maison d'Allah. Kalamullahi, la parole d'Allah. Si on part construction grammaticale, le fait que ce soit une annexion, le Rasoul par exemple, il prendra le haraklet de... Il est ma'rifa. Par nature, il est ma'rifa. Non, pas forcément. Non. Il est ma'rifa si le moudaf il est ma'rifa. Si tu dis par exemple, Sayyaratul Rajouli. Vous voyez, là c'est la voiture de l'homme. Donc comme l'homme il est connu, sa voiture elle est connue. Donc si on dit Sayyaratul Rajouli, c'est la voiture d'un homme. On ne sait pas, c'est, tu vois. Donc il est ma'rifa s'il est moudaf à ma'rifa. Okay. Sinon, c'est un akira. Juste une question, non. Parce que hier, enfin, quand je révise des fois avec ceux qui connaissent un peu, ils te donnent toute la définition. Nous, on verra ça plus tard. Eh non, on verra ça plus tard. J'ai pas besoin de. Non, non, pas pour l'instant, ça sert beaucoup. Tu vois, là, on comprend juste la chose, son nom, on comprend la cerner, et après, non, ça c'est dans le Jurumi, dans le Jurumi, Inch'Allah. Taïeb, donc ça c'est Moudof, Moudof Ilay. Il est marifa s'il est accordé avec un marifa. Non. Et là, c'est tous les asma ishara, pareil. Ah oui, wa alaykum. Parmi les femmes, le hafajah, on a oublié li. L'ilmilk, pour la possession. Vous voyez, t'as coupé ma salaine. Aza kitabun li Muhammadin. Ça c'est le livre de Mohammed, ça lui appartient. On a oublié li. Naam. On a appris également al-ism al-maqsour. C'est celui qui a à la fin un alif. Tayyib, Faramsa, Mustashfa, Isa. On a dit que ces dons-là, la harakat, elle n'apparaît pas. Vous voyez, elle n'apparaît pas. Par exemple, tu vas dire, Hava Mustashfa. Ouna Mustashfa, il est khabar. Il est marfou, mais on ne voit pas de damma. On dit, Dakhaltu fi al Mustashfa. Je suis rentré dans l'hôpital. Ouna fi Mustashfa, il n'y a pas de kafra. Vous voyez, Takul Ra'aitu al Mustashfa. J'ai vu le Mustashfa, là, il n'y a pas de fatha. Ces noms-là, tu finis par Alif à la fin. Vous voyez, on a dit quoi ? Il ne prête pas de haraka. La haraka, elle est muqaddara. Elle est sous-entendue. Vous voyez ? Elle est sous-entendue. C'est un truc important qu'on avait pris aussi. On a pris Naam. Man hada ar-rajul. Al-badal. Ahsant. Vous voyez ? Si on voit ism ishara suivi d'un ism ma'alifa bi alif wal-lam, ben celui, ce ism qui est alif wal-lam s'appelle abadal. Et qu'est-ce qu'il est en fait ? Il représente l'ism ishara. Voyez, il le définit. Et il s'appelle Badel. Ça veut dire quoi en fait? Il est comme l'ism ishara, ce moment-là, il est. On sait ce que c'est exactement. Voyez. Donc là, c'est l'un des genres du Badel. Il y a différents genres, comme on a dit. Mais ça veut dire cool. Si tu dis Man Hada Rajuli, qui est cet homme. Voyez, qui est cet homme. Et on a pris également un autre genre de Badel, celui qui vient. Après une chose, مثلاً تقول هذا شيخ يحيى مثلاً هذا يبقى مبتدا شيخ خبر يحيى يبقى بدل لشيخ تكل شيخ يحيى ثلاثة أفراد طيب صلى الله عليه وسلم يدل جواب بدل البدل يبقى لإعراض فجأة لأن الغراماتيكال de ce qui suit parce qu'ils font la même chose tous les deux ils font la même chose tous les deux. Ah ben. On a pris aussi parmi David. On a pris également parmi les choses importantes Na'at Sifa. Vous voyez ce qu'ils appellent adjectif qualificatif. Mathalan taqul hadha baytun kabirun. Donc le shahid c'est kabirun min hayth annahu sifa li bayt. C'est il définit la maison comment elle est. On a dit que Sifa, il suit au Nart, on appelle Nart ou Sifa. C'est-à-dire que ça dépend du Mazhab. Mais les deux, c'est la même chose. Donc là, le Sifa ou le Nart, il prend la même I'arab. I'arab, c'est l'analyse, le statut grammatical ou analyse grammaticale du Man'out. Le Man'out, c'est celui qui est qualifié. Et le na'at, c'est l'adjectif qualificatif. Donc on a dit, cette maison, c'est une grande maison. Qu'est-ce qui est grand ? La maison. Donc le na'at, il va prendre tout ce qui va avec sa maison. C'est défini, Naam. C'est les ma'alifa, c'est ma'alifa. C'est nakira, c'est les marfou, c'est marfou. C'est les muzakkar, c'est muzakkar. C'est les mouanef, c'est mouanef. C'est les majou, ainsi de suite. Il va dessus dans tout. Alors, et il vient après lui. C'est vrai, d'accord. C'est là la différence avec le khabar. Il ne suit pas dans ses malifas, c'est le malifas. L'autre c'est Makira, Nam. Et le sifa, le nart, il vient toujours après le manot, toujours après, jamais il vient devant. Il n'y a pas de nart mukaddam, ça n'existe pas. Ça y est, ça n'existe pas. Il vient toujours après. On a appris exactement, également, Al-Muzakkar ou Al-Mu'annas, le féminin ou le masculin. Vous voyez ? La marque du féminin, c'est le Ghalib ou Al-Azhar. Pour une chose qui peut faire office d'adjectif, c'est que tu rajoutes un tel marbouta. Masalan takul, kabirun, ça c'est Muzakkar, ça veut dire kabiratun. Tu vois ? Tu rajoutes un thème à l'voûta, c'est-à-dire elle est grande là. C'est-à-dire, ça, c'est l'origine des choses. Mais des fois, tu as des noms qui sont moines de nature, comme Shams. Shams, c'est moines de nature, par exemple. En apparence, tu ne sais pas ce qu'il est. Et Shams, c'est avec en apprenant la langue arabe au fur et à mesure, bismillah, que tu sauras sa nature. Vous voyez ? Naam. Ce qu'on fera, c'est que Minaradine, on continuera le demain, on continuera le ce qu'on fait les règles, et après demain, Inch'Allah, vocabulaire. Et on prendra tous les mots, on dira ça veut dire quoi, ça veut dire Mamana Hada, Mamana Hada, Mamana Hada. Comme ça, ici, Badiomain, Taïna, après deux jours, on a terminé. Alors on s'est arrêté là, parce qu'après, c'est quoi, c'est les Dammaïa, tout ça. Un def court quoi. Non. Vous avez compris là ? Une question ? Oui ? Pas bien. Pas bien là ou non ? Alhamdulillah, Rabbil Alamin.